C'est une histoire de tous les jours, c'est pas la peine d'en faire un plat. C'est une histoire de tous les jours, oui, mais c'est pas une histoire d'amour. Elle a le cancer, il a les foies. De toute façon, elle ne l'aime pas. Ça tombe bien parce que quant à lui, il peut pas blairer les morues. Fuck you, baby. Tonight will be. Qu'est-ce que ta mère a dit? Ta mère a dit quoi? Je t'encule à genoux. Je t'encule debout. Y a rien de meilleur pour toi que d'être niqué par moi. Je t'encule, fuck you. Baby, tonight will be. Et qu'est-ce que ta mère a dit? Ta mère a dit quoi? Peut-on parler d'œuvre en ce qui nous concerne, je ne sais pas si le terme est approprié. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'ensemble de mon œuvre s'inscrit dans une perspective post-génocidaire. Baby, tonight will be. Je suis un génie et j'essuie la table. La vie, c'est pas du tout cuit, mais c'est agréable quand on n'a pas trop mal. Mais là, ça va, te me botte le cul.